Oui, oh, oui. Et sa magie. Celui qui veut un frère ou un ami sans défaut reste sans frère et sans ami. Lorenzo, Hugues Golondele, monsieur le maire, Wamba Sassou, Vincent Gomez. Je suis un peu plus de temps. Yo salisi nga karen forse ya tangres li futi na ngoni mori. Yo tobo li mote ma uti kiro yo. Miri moni na ngwezo wangu te yo ye ibali tonya zomba te ya seno vini bilo na lori. Sabe nga basa nga basa le exercise ma ya suti bako kiti yo jmi kare yo. Ma bune la nga etu mwoyo. Melito anise. Alo nga vrema la mbo li mo la nga mori. Isi amwando simba. Budi ya dia FBMM. Saki na zara ki kose niete. Atara santra vare kende na zara ki etanye. Bebe kyo na yone so ki sima. Oto yon hakila na nezo venga vare kanga na koku fawe. Doris Lemla. Oh, mais la nature et la conservation, ça c'est téléphique, ça s'emballe. La tozo néglige la paradango, mon colo yon pensi. Mba ki ma kaya ou ka fina na zola ka toujou wana. Na ba incompréhension, pe ba mauvais soin, na zola ka sena yi. Amadou Diaby. La sali, poli ma ki la yina yo wano. Le ki yon a dinos ki la di. GG pour la maman. La salami, poli ma ki la kraka yo wano. Papa na Kiara, Angelica. Alain Boyka. Alpha Baby Eko Braki, ça va la classica. Basta te tremena et toi va consommer ma voyage. La formule va traskito con le color sur rambo. La mama toi maio la lugana lista va monoto. Oyo bala bala kayo va jeter mes sens techniques. Pour comprendre que la leva yo fou. Au fait, mon mène Roger Welka. Incréable, il m'a rangé du choc sucré au matin. L'Orient est sur l'île, et qu'on coca constabilisant. La monnaie est en Bologna. Patrick Bologna. Goma Marron. Gay Mamadou. Trésor Olivier et Juridique. Colo de Malouma. Christy Banga. Est-ce que mon amour à mon baquet qui n'est pas l'aimé balé? Lido Kaila. Tony Sassi. Nalina Kayo, ça calcule. Nalina Kayo. Et ton consolé, le qui a l'orier, comme il y a le petit qui se sourit la classe. Et ton coué, pour l'orier, va chic, chic, chic. Cinquième Sarals. Eh ben, à Vienayo, Moura, Mourinho, Del Pirlo, boss de boss. Yo salinaï, mon yango, boulinaï. Yo salinaï, qui boit d'un petit peu, barinaï. Yo salinaï, mon yango, boulinaï. Clovis Mounir et le spécial. Colonel Tamboué, Papa Nazuri, Nicole Boibana, Nazuri, Mama Wamba, Lita Bembo.